Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesseau, J. de Gigor, éditeur, 1913. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et Livre Mystique.com. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial, partage à l'identique. Préface du traducteur. Nous n'entreprendrons point ici l'éloge du livre des exercices spirituels. Les fruits qu'il a produits dans les âmes depuis plus de 3 siècles sont connus. Quelle louange d'ailleurs ne pâlirait pas devant l'approbation solennelle dont cet ouvrage a été l'objet. Nous renvoyons donc nos lecteurs à la bulle du pape Paul III, que l'on trouvera plus bas traduite intégralement, nous bornant à exposer dans cette courte préface ce que requiert rigoureusement notre tâche modeste de traducteur. Le but que l'on s'est proposé dans ce nouveau travail est commun à tous les traducteurs venus après d'autres, celui de donner une version plus exacte que les précédentes, mérite facile, nous le reconnaissons sans peine, à celui qui vient le dernier. Cependant, nous sommes obligés de le dire, nous n'avons trouvé qu'un faible secours dans les traductions françaises déjà existantes du livre des exercices. Nous en avions deux sous les yeux, pour ne parler que des plus récentes, celle de l'abbé Clément, si souvent réimprimée depuis un siècle, et celle d'Avignon, 1836, qui n'est, à proprement parler, qu'une édition corrigée de la première. Mais ces deux traductions ont un défaut que l'on peut appeler capital, celui d'avoir été faite, non sur le texte espagnol, mais sur la version latine du père André Frusius, car, s'il est vrai que Frusius ne se soit point attaché à rendre littéralement le texte de Saint Ignace, comme il l'avoue lui-même, s'il est encore vrai que l'abbé Clément soit bien loin d'avoir rendu littéralement le latin de Frusius, comme il est facile de s'en convaincre, les traductions françaises dont nous parlons ne peuvent-elles pas se comparer avec justesse aux eaux d'un ruisseau, qui sont moins pures à mesure qu'elles s'éloignent de leur source? C'est donc à la source même des exercices que nous avons voulu remonter. Nous avons pensé que, pour reproduire fidèlement un auteur en notre langue, il fallait l'étudier dans la sienne. En conséquence, nous avions commencé notre travail sur une édition espagnole, publiée à Madrid en 1833. Mais, quelle que fût pour nous l'autorité de ce texte, l'édition de Rome, 1837, dont nous eûmes bientôt connaissance, devait avoir la préférence. Ce qui nous la rendait surtout recommandable, c'est l'inestimable avantage d'avoir été collationné sur un manuscrit espagnol que l'on conserve à Rome dans les archives de la maison professe de la Compagnie de Jésus, et donc plusieurs corrections marginales, écrites de la main même de l'auteur des exercices, attestent l'antiquité. La 5e congrégation générale donne à ce manuscrit le nom d'autographe, exemple qui a été suivi depuis. Cette édition est le fruit des soins du révérend père Jean Rotan, général de notre compagnie. Pouvions-nous trop apprécier un travail commandé par le zèle, et soutenu par le sentiment religieux qu'inspirait à l'éditeur des pages vénérées, dans lesquels il présentait à ses enfants des paroles qui sont pour eux deux fois celles d'un père. Né à Amsterdam le 23 novembre 1785, Jean Rotan entra dans la Compagnie de Jésus, en Russie, le 18 juin 1804, fut élu général de son ordre le 9 juillet 1829, et mourut à Rome le 8 mai 1853, après avoir donné pendant son gouvernement, qui fut long et difficile, des preuves constantes d'une vigilance toute paternelle, d'une rare prudence et d'une haute sagesse. À peine connut-il le livre des exercices spirituels, qu'il saisit toute la portée des enseignements qu'il renferme, aussi l'étudia-t-il toute sa vie. Il n'avait point d'autre école d'ascétisme que ce livre, il y trouvait le texte ordinaire de ses entretiens spirituels et la matière de ses exhortations. Il donna une nouvelle preuve de l'intérêt qu'il portait à l'œuvre de saint Ignace en voulant, malgré les occupations multipliées de son emploi, corriger cette traduction de sa propre main, travail qu'il ne termina que 6 mois avant sa mort. Nous sommes encore redevables au zèle du même père d'une traduction latine, dans laquelle il reproduit littéralement, et avec la plus scrupuleuse exactitude, le manuscrit que nous venons de citer. Nous y avons eu recours dans nos doutes, et nous aimons à reconnaître que, presque sans exception, ils ont été dissipés à cette lumière. 5 éditions de cette version ont été publiées à Rome de 1835 à 1854. Les 4 dernières sont accompagnées de notes qui répandent un grand jour sur l'esprit et l'usage des exercices. Nous en donnons aussi la traduction. Celles qui se rapportaient moins directement à l'explication du texte ont été omises dans cette édition. D'un autre côté, on a cru devoir en ajouter un petit nombre qui ont paru nécessaires ou utiles. Après tout, l'intelligence du texte de saint Ignace n'a pas été le côté le plus ardu de notre travail. Un séjour de 3 ans dans la capitale de l'Espagne nous avait donné de l'idiome castillan une connaissance plus que suffisante pour comprendre un ouvrage ascétique écrit sans recherche, et que, par goût autant que par devoir, nous méditions depuis tant d'années. Mais les saints ont non seulement leurs pensées, ils ont un style qui leur est propre. La conviction de leur entendement, la persuasion de leur volonté, la dévotion de leur cœur, se répandaient et se manifestent dans toutes leurs paroles. Or, il arrive que ce qu'il y a de plus précieux et de plus délicat dans leurs écrits est précisément le plus difficile à conserver, le plus facile à perdre et à laisser échapper dans une traduction. De plus, les exercices spirituels sont un livre tout pratique, et c'est une vérité constante, qu'il a toujours produit plus de fruits à mesure que l'on s'est plus rapproché de ses méthodes, que l'on a mieux suivi la pensée et pesé les expressions même de l'auteur. Des raisons aussi fortes nous ont engagés à ne toucher qu'avec respect à l'œuvre de notre Père, et à la reproduire aussi littéralement que nous le permettait notre langue. Nous n'avons point hésité à sacrifier une élégance hors de propos à l'exactitude la plus sévère, et en cela nous n'avons nulle crainte d'encourir le blâme des hommes sérieux. Or, c'est à eux surtout, pour ne pas dire à eux seuls, que se recommande cet ouvrage. L'importance des sujets qu'il traite, la concision avec laquelle il les présente, exige de la part de ceux qui en font usage une étude plus que superficielle, il veut moins être lu que médité. Nous disons plus, il demande, généralement parlant, une explication orale. Ce serait donc se tromper grandement de s'imaginer que chacun puisse, à l'aide de cette traduction et de ses notes, faire soi-même, sans le secours d'un directeur, les exercices spirituels. Saint Ignace, dès le début de son livre, nous montre un maître et un disciple, celui qui donne les exercices, et celui qui les reçoit. C'est aussi la pensée de l'auteur des notes, et il la développe longuement dans la première. Cependant, malgré la vérité de cette observation, les personnes sérieuses qui liront et méditeront dans le recueillement cet ouvrage, ne sauraient manquer, sans faire à proprement parler les exercices, de retirer de grands avantages des enseignements spirituels qu'il renferme. Puisse la bénédiction attachée au livre des exercices, et aux différentes traductions qui n'ont été données, se répandre sur la nôtre. entreprise dans les mêmes intentions et pour une même fin, puisse-t-elle produire les mêmes fruits dans les âmes, au plus grand service de Dieu, qui ne nous a créés que pour sa gloire et pour notre bonheur.